c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Aujourd'hui, nous allons parler de Feature Flag. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le bon endroit. Et si vous savez, je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses. Avec moi, j'ai deux nouvelles personnes qui s'y connaissent très bien sur le sujet. J'ai Thomas. Salut. Et on a aussi Henrik. Bonjour à tous. Henrik, vas-y, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Henrik Rexed. Je travaille actuellement chez Dynatrace en tant que Cloud Native Advocate. Mes sujets de favoris, on va dire, ou de prédilection, ça va être tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est Open Observability. Et puis, en fait, je suis ce projet qui a été initié par deux de mes collègues chez Dynatrace qui s'appelle Open Feature. Et donc, je suis donc ce qui explique ma présence aujourd'hui à ce podcast. Mais si on doit rentrer dans le détail de tout ce qui se passe sur la partie télémétrie et observability, je serais ravi de partager plein de choses. Et juste pour faire une petite intro et promotion, j'ai lancé il y a un an de cela une chaîne qui permet d'aider la communauté à se rentrer dans les sujets de open observability. Donc notamment, cette chaîne YouTube s'appelle Is It Observable et en fait je fournis des tutos que ce soit sur comment collecter des logs, comment créer de la télémétrie, tout ce qui est tuto de manière générale sur l'observabilité. Donc, petit promo pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Bah super, bah je le mettrai en description du podcast. Donc, vous aurez le lien, ce sera directement là. Et Thomas ? Ouais, bonjour, du coup, moi c'est Thomas Poignon, je suis tech lead chez Adevinta, donc Adevinta c'est la maison mère de Le Bon Coin, et je travaille sur différents sujets, notamment sur la modération chez eux, et j'ai un side project à côté de ça qui s'appelle Go Feature Flag, qui est une librairie de feature flag pour Go, et je suis aussi amené à contribuer un petit peu à Open Feature depuis quelques temps. Super. Bon, vous me connaissez, ceux qui écoutent le podcast, donc pas besoin de trop me présenter, mais donc je suis indépendant, je travaille surtout sur le domaine du DevOps et beaucoup sur Kubernetes. Pour le coup, ça va être assez bien parce que je vais être un peu vraiment le rôle du newbie là-dedans. Je connais bien le monde des feature flags, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait en tirer, mais j'ai jamais eu malheureusement l'occasion de l'implémenter. Ça dépend bien sûr des clients à chaque fois que je vais avoir, et pour l'instant, bah, c'est chou blanc. Donc c'est bien, je vais être vraiment la personne la moins expert dans ce domaine-là. Donc ça fait du bien. D'abord, je voudrais vous demander justement comment vous allez définir le feature flagging et peut-être votre première expérience avec, comment vous l'avez appris, vu et utilisé. Thomas, peut-être Définir, c'est toujours compliqué, mais pour moi, l'idée du feature flag, c'est surtout de pouvoir agir sur son environnement de production sans avoir à faire de déploiement, donc de pouvoir avoir des modifications de comportement depuis l'extérieur, et avec surtout la volonté de découpler un déploiement d'une release, c'est-à-dire que déploiement c'est pousser du code, release c'est mettre en place mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité. Et moi j'ai commencé à utiliser les feature flags dans ma boîte précédente qui s'appelle Front, qui est une scale-up, et on était des gros utilisateurs de LaunchDarkly, et le use case de base qui était vraiment celui qu'on faisait le plus, c'est que tout ce qu'on déployait était sous feature flag, et c'était au product manager d'ouvrir les flags au moment des releases. Donc on découplait vraiment la partie déploiement qui était faite par les ingénieurs de la partie release qui elle était faite par les product managers. Alors moi, j'ai mon première expérience a été de Future Flag, c'était en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire quand on gère des problématiques pour des clients, on va dire, on se dit tiens, il y a telle fonctionnalité et on découvre que certaines fonctionnalités elles sont, du moins sur la plateforme sur laquelle je travaille, sont sous Future Flag. Et puis du coup, de découvrir le fait que on a une plateforme en interne pour gérer l'activation de features pour certains clients. Et donc c'est la mise en œuvre de cette plateforme, ça nécessite quand même un certain travail en préalable. Et donc je me suis toujours dit tiens, c'est génial cette technologie de pouvoir activer des fonctionnalités au besoin en fonction d'un utilisateur, en fonction de sa zone géographique, en fonction de son âge, en fonction de plein de différents critères. Mais la gestion et la mise en œuvre, elle peut être très lourde et très compliquée à terme. Et donc c'est la raison justement de ce projet qui a été initié, se dire comment on pourrait mettre un standard en fait sur l'industrie pour éviter justement des devs ou des implémentations un peu custom pour arriver à mettre en œuvre ce type de fonctionnalité aux mains de nos utilisateurs. Ok, cool. Et donc, à quel moment vous allez l'utiliser? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Parce qu'en fait, donc j'ai fait un podcast la semaine dernière pour tout vous dire. Parce que la première chose quand j'en ai parlé, c'est compliqué. On peut pas le mettre en place. Enfin voilà, c'est des choses un peu trop blinine, on va dire. Vous, ça vous a pris du temps? C'est quelque chose que vous feriez par défaut ou au bout d'un certain moment? Moi, en ce qui me concerne, j'essaye de le mettre. En fait, plus tôt on le met en place dans un projet, plus c'est facile pour la suite dans l'idée. Dans le sens où les feature flags c'est avant tout du tooling et des SDK à mettre dans son application. Une fois que le SDK est là, configurer des flags et les mettre en place, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Ce qui est le plus compliqué, à mon sens, c'est le cycle de vie des flags. C'est-à-dire que le jour où un flag n'est plus utile, il faut toujours passer par une phase de nettoyage du code pour éviter d'avoir des appels à cette librairie de feature flags partout. Et du coup, c'est aussi une mécanique et une organisation à avoir au sein de son équipe et de son projet pour être sûr qu'on clean bien après l'utilisation des flags. Mais en soi, techniquement, c'est des ifs. Hein. On va pas se mentir, c'est des ifs qui checkent si le flag est activé ou pas. Quand je dis activé, on pense beaucoup au feature flag en true-false, même si on peut faire plein d'autres choses avec. Mais c'est... C'est un peu ça le cas par défaut, à mon sens. Alors sur l'aspect gestion, comme tu disais, effectivement, c'est des ifs qui s'imbriquent. Après, la grosse problématique, c'est la source de données. Parce qu'après, il y a toujours un critère qui va dire, tiens, je veux activer que pour un certain type de population ou un certain type de client ou un certain type d'environnement. Et cette source de données initiale, souvent, au-delà des ifs et la gestion des feature flags, il faut aussi gérer cette gestion, et ce qui peut rendre compliqué surtout aujourd'hui. On pense toujours aujourd'hui j'ai un environnement, je suis très content avec ma plateforme, mes frameworks que j'utilise, mais il y a toujours un et demain, que va-t-il se passer? Et souvent cette question de et demain, que va-t-il se passer, on veut pas se la poser cette question, parce que souvent quand on a commencé à mettre un système qui peut être compliqué à mettre à déployer et à manager, on se pose vraiment la question de dire bon, le jour où je vais changer d'outillage ou de plateforme, j'y penserai le jour J, parce que ça me fait déjà transpirer. Et je pense que ça, que ce soit d'ailleurs dans plein de sujets divers et variés, hein, pas que sur l'open le feature flagging, sur plein de sujets différents, aujourd'hui quand on met en place un outil, on a souvent très peur de se dire quand je vais changer d'outil, ça va me coûter quasiment le même coût de mise en œuvre que quand on a démarré cette plateforme. Donc ça peut être un critère de stickiness, c'est-à-dire que pour un éditeur, ça peut dire c'est génial, une fois que je suis dans la place, je resterai à vie parce que c'est trop compliqué à me retirer. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toute l'évolution de la technologie qu'on a aujourd'hui, on ne peut plus avoir cette logique de dire une fois que je suis dans ma place, on ne me retire plus. Non, il faut avoir cette souplesse, cette standardisation pour faciliter justement la transition vers d'autres outils ou d'autres solutions ou d'autres architectures ou d'autres technologies. tu ouvres le pas forcément vers quelque chose là-dedans. C'est donc la standardisation, en fait. C'est ça qui va peut-être permettre ce genre de choses. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un standard de facto qui est utilisé? Je sais pas, une lib de facto qui devient un standard ou pas du tout? Et qu'est-ce qui peut venir pour améliorer l'écosystème? Alors, à mon sens, il y a plein de solutions de feature flag qui existent sur le marché. Hein. Mais jusqu'à présent, chacun de ces solutions avait leur propre manière d'exprimer entre guillemets le feature flag en tant que tel. Et je pense qu'aujourd'hui, d'avoir la création de ce projet Open Feature et de justement d'aller voir tous ces différents éditeurs qui travaillent dans cet univers, de dire mais allons dans le sens de la standardisation, allons dans le sens du client et mettons en place un standard. Ça permettrait de faciliter la mise en œuvre et créer une adoption sur le feature flag, même si aujourd'hui beaucoup d'organisations utilisent le feature flag, mais peut-être que certaines organisations aujourd'hui ne le mettent pas en œuvre parce qu'ils voient quelque chose de très chronophage et très compliqué à mettre en œuvre. Et si peut-être qu'il y a, grâce à ce standard, ça a peut-être démocratisé le feature flag dans plein d'organisations, que ce soit dans le domaine bancaire un peu plus traditionnel que dans des startups très innovantes, quoi. Thomas, là-dessus? Aujourd'hui, les solutions de feature flag, elles ont toutes leur SDK à elles, en gros. C'est-à-dire que pour utiliser une solution, il faut prendre le SDK du vendor et l'utiliser. Ce qui aussi empêche de passer d'un vendor à l'autre facilement, et notamment de passer typiquement de solutions open source, peut-être comme celle que moi je fais avec GoFeatureFlag, qui est une solution très simple et qui permet juste d'avoir une première expérience avec les feature flag, à une solution type LaunchDarkly qui coûte des milliers d'euros par mois parce que on a des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, faire la migration de l'une à l'autre, c'est des choses qui coûtent et qui nécessitent de repasser dans son appli, changer son SDK, potentiellement changer tous ses appels qui vont être différents, et donc du coup se retrouver dans une situation où ça devient un projet de changer de solution de feature flag. Et c'est là où une Open Feature qui est en train d'arriver veut résoudre ce problème-là en disant ayons une première couche qui est commune à tout le monde, et après chacun implémente la façon de challenger les flags de façon différente et à sa sauce, avec tout un tas de features associées à ça, mais le façon d'avoir son info sur son flag est commune à tous les vendors, et plutôt que d'être locké à un vendor comme on l'expliquait juste avant. Et Henrik, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait plusieurs façons d'exprimer ça, enfin même Thomas là en finissant. Ça va être quoi ces façons d'exprimer? Qu'est-ce qu'on va avoir comme différence fondamentale peut-être dans la manière de voir le feature flag? Et peut-être la meilleure chose, c'est par l'exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser le feature flag et qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer comme différence? Comme Thomas vient de l'expliquer, il y a plusieurs choses. Donc, il y a effectivement ce besoin de mettre un SDK dans le code qui va permettre de s'interfacer sur la solution finale. Donc, ça, c'est un premier biais. Mais après, sur la manière dont on va activer un feature flag, on peut le faire de plein de manières différentes. Ça peut être, comme j'ai dit, je peux très bien dire, tiens, j'ai cette fonctionnalité qui me permet de compresser le prix de l'article avec la livraison. Voilà. Imaginons, je suis un site de e-commerce et j'ai fait une fonctionnalité en disant, j'ai fait une fonctionnalité qui va peut-être améliorer mon positionnement et mes ventes parce que je vais inclure un prix complètement global qui va inclure tout pour l'utilisateur. Mais cette fonctionnalité, je suis pas sûr si ça va gonfler mes ventes ou pas. Donc, j'ai envie de l'activer au besoin sur une population déterminée. Donc, par exemple, je dis, je vais pas prendre trop de risques, je vais identifier une région dans le monde et je vais activer cette fonctionnalité que sur cette région, par exemple. Ou peut-être, je vais me dire, je vais plutôt l'activer sur mes clients qui ont une tranche d'âge particulière. Donc, d'avoir le critère qui va décider quand est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre, mettre à disposition cette fonctionnalité à un certain type d'utilisateur, elle va forcément varier en fonction du besoin. Donc, on peut très bien j'ai une interface et je me dis, j'active ça pour tel client. Donc là, j'ai une référence de client. Mais on peut avoir des règles beaucoup plus complexes et plus sophistiquées pour activer au besoin des fonctionnalités dans des zones, comme je dis, comme dans des zones géographiques, par exemple. Il y a ce genre de besoin et il y a aussi d'autres fonctionnalités liées au feature flag qui sont super intéressantes. Celle que j'adore, c'est le kill switch. C'est-à-dire, je viens de déployer une feature à 1% de mes utilisateurs pour le tester, ou 10% pour tester ma feature, et je me rends compte tout de suite qu'il y a un souci avec ça. Je peux directement remettre, désactiver mon flag et être sûr que je reviens sur l'ancien mode, et donc me retrouver avec un rollback, on va dire, instantané, sans avoir à redéployer du code, et donc potentiellement avoir le temps du déploiement. Il y a plein de choses comme ça. Par rapport aux différents vendors, ce qu'ils proposent la plupart, c'est, il y a des vendors qui font juste du on-off, donc du true-false. C'est de moins en moins le cas. Et maintenant, il y a beaucoup, la plupart des vendors, ce qu'ils proposent, c'est être capable de configurer du texte, des objets JSON, ce genre de choses dans les flags. Et donc, aller plus loin, ça peut même être, les flags deviennent des objets de configuration en soi. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on challenge et pas seulement dire cette feature est active ou inactive. Une chose bête, hein, on pourrait dire, le fond de mon site, il est vert. Je veux essayer de le passer vert et je veux le mettre qu'à un pourcentage de mes utilisateurs. On peut envoyer cette info de le site est vert via un feature flag et pouvoir tester plein de choses comme ça différemment à travers le temps. C'est plein de choses comme ça qu'on peut faire. Oui, après, ce que je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que c'est vraiment excitant de cette notion d'avoir un killer switch, quoi, entre guillemets, cette notion de rémédiation. Donc, je fais une feature, je vois de la valeur, mais je me rends pas compte de l'impact que ça va avoir potentiellement sur le bon fonctionnement de ma prod en période de gros trafic, et d'avoir cette possibilité d'avoir un critère qui va dire t'as envoyé un appel vers une interface quelque part qui dire ben on l'envoie ça tout de suite parce que je vois qu'il y a un problème majeur en production. Je trouve ça génial parce que du coup ça rajoute des mécanismes dynamiques et modernes pour la gestion de nos productions et des fonctionnalités qu'on voudrait mettre en place à l'utilisateur. Donc ça, je trouve ça vraiment excitant pour le marché sur lequel on évolue. Je trouve aussi il y a un autre truc dont, enfin là, je rebondis parce que ça me fait penser à ça, une idée, mais il peut y avoir même un mélange entre les deux qui est en période de fort trafic, j'ai peut-être envie d'éliminer certains des appels et seulement certains juste dans un moment. Je sais que la fonctionnalité marche très bien. Je sais pas, j'ai une fonctionnalité de chat par exemple à l'intérieur de mon application qui prend énormément de bandes passantes, énormément de ressources serveurs. Je me dis en période de pic, ben, je retire cette fonctionnalité-là, que je sais qu'il y a un impact sur mon back-end et j'ai pas envie d'avoir à scaler à l'infini mon back-end juste pour ça, par exemple. Et je rebondis encore là-dessus, c'est que de ce que je vois apparemment, des exemples que vous avez donnés, c'est que on a aussi bien des exemples très business, j'active telle fonctionnalité pour savoir est-ce que je vais avoir du MRR en plus, n'importe quoi comme revenu en plus, ou de l'autre côté, des problématiques très opérationnelles de je déploie une fonctionnalité, je reviens dedans. Est-ce que ça serait pas un peu le chaînon manquant un peu entre les deux mondes, ces feature flags? Ben, je pense que ça permet de rendre le process blue-green deployment que tout le monde peut connaître encore plus dynamique. Je trouve ça. Et en plus, d'avoir cette capacité d'activer ou désactiver en fonction des besoins. Alors moi je dirais, si j'ai un problème de perf et que je passe mon temps à pallier, à activer ou désactiver des fonctionnalités, bon, je pense que je prends le problème à l'envers. Mais oui, effectivement, je pense que je suis un SRE par exemple, je gère la prod, je vois qu'il y a quelque chose qui impacte fortement, je sais que c'est le composant chat, et d'avoir cette souplesse pour quelqu'un qui va gérer la prod de dire ben, je désactive maintenant parce que il y a un risque potentiel, je trouve ça génial. Ça évite de passer sur un redéploiement ou un rollback ou n'importe quoi, et ça permet de corriger le problème temporairement pendant la phase entre guillemets critique qu'on a pu rencontrer en production, quoi. Thomas, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus sur la partie plus business. Je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt business dans le sens où on peut faire des choses qu'on peut pas faire avec des déploiements. Typiquement, un use case que nous, on avait dans ma boîte d'avant, c'était, en fait, on teste en production. Parce que avoir les bonnes data sur des environnements hors prod, c'est pas toujours facile. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que on déployait un flag avec la seule personne qui pouvait accéder à cette nouvelle fonctionnalité était un product manager, un QA ou quelqu'un de ce type-là. On validait que ça fonctionnait correctement. On ouvrait un petit peu plus large avec des bêta-testeurs, soit internes, soit des clients avec qui on travaillait qui acceptaient de tester les nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, on faisait des releases plus larges et plus business pour l'ensemble de nos utilisateurs. C'est quelque chose, moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt de se dire, on change un peu de paradigme. Tester en production, c'est pas quelque chose qui est facile, qui est inné. Et les feature flags permettent d'avoir ça, qui est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de valeur, parce que on a tous eu des pré-productions avec des data pourries où tout le monde dit bah oui, mais ça vaut pas le coup de tester sur la pré-production, on n'est jamais sûr, allons en prod et croisons les doigts. Là, ça évite de croiser les doigts, en fait. Ça permet d'être que sur ce qui va bien, quoi. Après, moi, j'ai toujours eu cette question parce que moi, je viens du monde de la perf initialement. Donc, moi, j'ai travaillé plus de 15 ans dans tout ce qui est ingénierie de perf, optimisation de système et ce genre de choses. Je me suis toujours posé. Alors, je trouve que le feature flag amène plein de fonctionnalités et de valeurs pour les projets. Je me suis dit, tiens, mais en termes de perf, je suis sur une version d'une application qui peut être complètement évolutive en fonction du profil. Comment je peux mesurer l'empreinte d'une fonctionnalité quand je vais l'activer? Il y a ce gros questionnement. Moi, c'est quelque chose que je me suis posé la question à plusieurs reprises. Après, ça, je pense que ça nécessite en fait une certaine maturité de la part du projet pour avoir cette mesure et pour éviter d'activer un truc qui peut être une bombe à retardement, quoi. Donc d'avoir un process qui permette de dire, bah tiens, si tu actives cette feature, voilà les conséquences que tu peux avoir sur tel serveur, sur tel composant, sur telle communication. Je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait être à terme nécessaire pour un SRE qui devra gérer la production au jour le jour. Alors, je sais pas si toi, Thomas, tu as déjà eu dans ton cas de test en prod, si vous avez déjà eu cette démarche, mais moi c'est les questions qui m'est arrivé plusieurs fois quand on a abordé le sujet en interne. Oui et non. Moi, ce que j'apporte dans la librairie que je développe, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le progressive rollout. Et en gros, l'idée, c'est de dire de passer de 0% à 100% de mon flag sur une période de temps donnée. Et donc, ça permet de se dire, peut-être que pour activer la feature, on va mettre, au lieu de l'activer en une fois de 0 à 100%, on va mettre, une semaine. Et du coup, pendant cette semaine, on va monitorer tout ce qui se passe autour de ce rollout. Idéalement, c'est pas quelque chose que je supporte aujourd'hui, mais idéalement, on pourrait avoir des marqueurs OpenTelemetry, type des traces dans du tracing ou des choses comme ça, pour qu'on puisse avoir cette info qu'on est sur tel variant du flag et se dire, du coup, on a ce comportement-là. Et ça permet d'avoir du recul et pas de se dire, j'ai testé sur 1%, ça a l'air de bien se passer et je passe mon flag à 100%. Le faire progressivement, ça aide beaucoup pour ce genre de besoin. Bah, c'est vrai que les déploiements progressifs, en fait, enfin moi qui, je l'ai dit au début, je viens plutôt du monde de Kubernetes. Quand on parle de déploiement progressif, on va penser à des déploiements Kube, où on va dire, bah voilà, j'ai plusieurs instances et je vais les déployer petit à petit. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué de se dire, bah je m'arrête au milieu pour tester les performances d'un. Notamment parce que souvent on a des schémas de base de données, on a des choses comme ça, on a des choses en fait où le déploiement a souvent besoin d'être complet en fait. Les applicatifs ont du mal à travailler ensemble avec des versions différentes. C'est vrai que là, toi dans ce que tu dis en tout cas et dans ta lib Thomas, on parle bien d'une seule et même application à la même version. Exactement, il y a une seule application. Et en fait, le flag a plusieurs variants et l'idée, c'est de passer d'un variant A à un variant B progressivement. Donc, c'est-à-dire que on va donner deux dates et dans ce moment-là, progressivement, il y aura de plus en plus de users à tomber dans la nouvelle fonctionnalité plutôt que dans l'ancienne. Et donc, ça permet, sur un seul applicatif, il y a typiquement, c'est le même pod dans Kubernetes partout, mais l'applicatif a deux comportements différents. D'accord. Et donc, va avoir à un moment donné... En fait, c'est à l'application à devoir gérer ces deux fonctionnements-là. Donc, un seul schéma, mais qui va gérer deux comportements. Exactement. Si tu parles... En fait, là, je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre avec le feature flag, c'est qu'on amène de la logique dans l'application pour gérer toute cette notion de blue-green, de tout ça. C'est l'application qui le gère elle-même, alors que... Historiquement, dans le monde des SRI et du DevOps, on avait plutôt tendance à mettre ça en dehors avec les déploiements des pods, du load balancing, ce genre de choses. Là, on sort de ça et on ramène ça à l'intérieur de l'application. Donc, ça n'a pas d'intérêt de faire du progressive rollout pour toutes les fonctionnalités. Mais pour certaines, où on se dit, là, ça peut être touchy, ça vaut peut-être le coup de passer par ce genre de système. Une question là que je me pose, donc quand on parle donc de est-ce que quelque chose va bien, donc là, Henrik, tu as parlé de performance, c'est clairement le point. En fait, c'est qu'à un moment, comment se fait la remontée d'informations? Comment on sait que quelque chose se passe bien avec un feature flag? Parce qu'en fait, c'est ça un peu ce qu'on a envie de savoir à ce moment-là. Alors, pour moi, après, je laisserai Thomas compléter plus dans le détail, mais pour moi, le code. Et dans le code, on doit juste avoir cette logique de dire est-ce que j'active ou pas. En fait, il faut qu'après il y a un système externe qui va lui s'interfacer avec la brique de code pour dire tiens, je t'envoie une notification d'activer ou pas ce flag en fonction d'un besoin. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut entre guillemets mapper un système d'observabilité qui va lui se mapper avec le système de feature flag pour dire là tout se passe bien, on a activé, continue comme ça, ou au contraire, ah, tiens, ça se passe très très mal, désactive tout de suite, quoi. Donc là on vient dans un schéma de rémédiation, on a une anomalie ou un problème, et c'est la rémédiation pour résoudre ce problématique, ça va être je vais envoyer une notification pour désactiver la feature pour résoudre temporairement le problème de perf. Ouais, c'est exactement ça, c'est que aujourd'hui il y a peu de solutions qui couplent monitoring et feature flag en même temps. En général, c'est plutôt décorrélé. Et comme tu monitores ton application classiquement, tu le fais avec ou sans le flag. Ça marche un peu de cette façon-là. Donc, typiquement, des outils type OpenTelemetry ou ce genre de choses ont tout à fait marchent très bien en association avec le feature flag, mais c'est pas la solution de feature flag qui t'apporte cette observabilité. Et justement, comment vous arriveriez à voir justement cette jointoiement entre les deux? Justement, dans Open Feature, quand le projet a émergé, il y a quelques idées qui sont sorties du sol. Et l'une d'elles était, ce serait génial, comme Thomas l'a mentionné tout à l'heure, ce serait génial qu'à partir du moment où je passe dans une brique de code, que ça ajoute le contexte nécessaire au sens OpenTelemetry pour dire je feature flag un tel activé, donner un certain contexte. Et donc, à partir du moment où l'application, bien sûr, génère, elle, des traces au format OpenTelemetry, ces contextes qu'on a ajoutés. Et donc, quand on est dans une solution d'observabilité, que ça peut être des stacks Prometheus ou Dynatrace ou autre, on pourra faire une recherche et dire, tiens, je veux voir que les traces qui ont ce fameux contexte open feature avec la version de feature, enfin la feature en question. Et donc là, on va pouvoir ressortir que les traces qui nous intéressent. OpenTelemetry, aujourd'hui, on parle de traces, mais on pourra très bien avoir des métriques, donc on peut très bien imaginer que le open feature va avoir un petit compteur qui va dire, tiens, pour comptabiliser, ça m'intéresserait de voir quelle proportion d'utilisateurs à combien de personnes j'ai activé cette fonctionnalité, même si normalement on est censé connaître en amont, mais bon, si on a fait une boulette, c'est ce qui peut arriver, hein, d'avoir un comptage, de dire j'ai 1000 personnes qui actuellement utilisent cette fonctionnalité. Ça peut être aussi une source d'information qui peut être intéressante quand on fait la corrélation lors d'une anomalie ou dans une problématique de production, quoi. Ou à l'inverse, se rendre compte que le flag sert plus à personne. Qu'il faut aller cligner son code. C'est vrai. Et bien, c'est justement ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est donc justement la gestion de ces flags. Donc, si jamais je résume, je me retrouve à avoir mon code, à avoir des ifs un peu partout, avec du code si telle fonctionnalité. Est-ce que mon code va pas devenir un gros plat de spaghetti, justement? À quel moment je peux savoir ce que je vais activer? Et même, est-ce que je peux me dire que sur certaines fonctionnalités, je vais les coder dans un autre blob? Enfin, est-ce qu'il y a un moment même, j'aurais le moyen de me dire, telle fonctionnalité, j'avais des développeurs Node pour celle-ci, maintenant j'ai des développeurs en Go, je veux le mettre sur du Go. Enfin, est-ce que tout ça, c'est possible? Et comment je vais justement gérer le cycle de vie de mon application maintenant que j'ai des feature flags? Pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant avec les feature flags, c'est que les flags, ils sont souvent pas liés à une techno donnée. Donc, il y a souvent des SDK pour différents langages, et donc on peut avoir plusieurs services qui écoutent le même flag et qui décident de faire et qui vont changer de comportement en même temps. Donc, typiquement, si tu veux corréler une API avec ton front-end pour être sûr que le front-end qui est une single app en Node affiche correctement le bouton pour que l'API puisse le recevoir, par exemple, activer le flag sur un user, ça va l'activer front-end et back-end pour ce user-là. Donc, ça a aussi cet intérêt-là d'être quelque chose qui est en dehors du... C'est très lié dans le code, mais c'est pas quelque chose qui manipule un seul service ou une seule application, ça peut manipuler plusieurs applications. Et donc, là-dessus, c'est très intéressant d'avoir cette notion de je pilote la synchronisation entre plusieurs applications en même temps. Donc, typiquement, même si sur des choses plus techniques, mais demain, tu veux faire un switch de base de données, tu veux passer, je sais pas, tu fais une migration de Postgre et pour faire ta migration, tu as décidé de spawn un deuxième cluster. Tu peux dire à un moment, je switch mon cluster pour tout le monde et tout le monde va switcher en même temps. C'est aussi ça l'intérêt, c'est d'être capable d'assurer qu'il y a une synchronisation entre tous tes services au moment des changements. Et sur le cycle de vie des flags, en fait, il y a Martin Fowler, alors j'imagine que tout le monde connaît Martin Fowler, mais qui les catégorise en quatre différents types de feature flags avec des durées de vie différentes. Il y a ce qu'il appelle des release toggle, des ops toggle, des permission toggle et des experiment toggle. L'idée derrière ça, c'est que chacun a une durée de vie plus ou moins longue. Donc, on va avoir des flags qui vont durer quelques jours, d'autres qui vont durer quelques semaines, d'autres qui vont durer peut-être des années. Et donc, l'idée, c'est de bien les catégoriser quand on les crée pour savoir que ça existe et savoir lesquels il faut checker plus régulièrement que les autres dans sa configuration pour savoir lesquels on garde et lesquels on supprime. Bah, après, sur le contexte... Open feature, en fait, sur la gestion, sur ce qu'on voulait activer et pas activer, on a eu tout de suite cette... comme on évoluait dans le monde essentiellement de Kubernetes, on s'est dit, tiens, on va prendre des logiques Kubernetes qui sont simples et faciles à mettre en œuvre. Et donc, c'est l'un des composants sur lequel a été travaillé, c'était le Open Feature Operator. Et justement, d'avoir quelque chose qui est externe au code et on détermine, en fait... le flag, s'il est activé ou pas. Et après, derrière, dans le code, il y aura toujours cette notion de if, mais cette notion de les variantes, les données qui vont activer ou pas le flag et ces genres de choses vont sortir dans un sidecar. Et donc, on essaie de pas simplifier le code, mais parce qu'on a toujours c'est une partie dans le code, mais de standardiser et faciliter la mise en œuvre de ces feature flags, quoi. Donc je trouve que c'est travailler dans un monde Kubernetes, je pense que ça facilite, enfin c'est mon opinion, hein, ça facilitera énormément l'adoption et la mise en œuvre et éviter de créer une grosse nébuleuse avec plein de, ben, comme tu disais tout à l'heure, hein, si on a des ifs partout, ça devient, faut que je développe ma fonctionnalité 1, après il faut que je développe la communication 2, après 3 il faut que je gère les open features, après il faut que je mette de l'instrumentation OpenTelemetry. Là je me dis mais finalement j'ai passé mon temps que 20% à faire ma feature, le reste j'ai fait tout le reste pour faire tout ce qui est autour de mon code, et là on se dit mince, c'est bizarre quand même. Mais je pense qu'avec des systèmes comme ça, on peut essayer de gagner un peu de temps à droite à gauche, quoi, je pense. Notamment sur la partie observabilité, je pense que c'est là où il y a le plus grand intérêt sur Open Feature, c'est que on la délègue à un composant qui va la gérer pour nous, en fait. Et peu importe le provider, ça va être géré tout le temps de la même façon. Donc ça a quand même c'est un gros avantage de fonctionner comme ça. Et est-ce qu'une façon de faire, ça peut être aussi d'utiliser des API gateway? Est-ce que brancher ça, est-ce que ça aurait un sens d'avoir une API gateway qui va aller envoyer un flux sur un autre, sur un blob ou un autre? D'ailleurs, de se dire, en fait, au lieu d'avoir tout dans le même code, de se dire, j'ai blob 1 qui est fonctionnalité 1, blob 2 qui est fonctionnalité 2, blob 3 qui est fonctionnalité 3, qui sont faits d'une certaine façon ou d'une autre, c'est pas ça le problème. Et je vais router tout mon arbre comme ça en fonction de la fonctionnalité. Est-ce que c'est aussi une possibilité? Alors ça, c'est un si tu me réfères un peu à des fonctionnalités de service mesh comme le traffic split qui le fait. Mais le problème, c'est qu'effectivement, là, on n'a pas cette capacité de dire je veux le faire que pour, je sais pas moi, une zone géographique ou que pour un utilisateur qui a une adresse email bien déterminée. Donc, si on veut mettre ça en œuvre dans un traffic split, faire cette logique-là, ça veut dire qu'il faut remettre en plus une couche au-dessus qui va lui configurer le traffic split en fonction. Et ça devient une usine à gaz à gérer, quoi. Bah, on pourrait l'avoir, en fait, typiquement, comme dans Hotel, on a un ID transaction. On pourrait très bien avoir quelque chose qui fait la remédiation entre les deux et qui dit telle transaction, je la connais parce que voilà, j'ai déjà des informations sur elle et après, je vais faire des choses en fonction de ça. En fait, le but, c'est de se dire tout est un ID unique, qu'on passe de blob en blob, qu'on se passe et on va faire des actions en fonction de ça. On pourrait très bien avoir cette notion-là qui apparaît à ce moment-là. Oui, alors, ça pourrait être... mais je pense que ce serait... à gérer sur du long terme et sur les évolutions de l'application, parce que l'application va évoluer dans le terme avec les d'autres features et d'autres choses, ça devient une usine à gaz, je pense, à maintenir. Après, je sais pas si c'est mon avis, Thomas, je sais pas si tu... Non, je suis d'accord là-dessus et surtout quand t'es dans une entreprise qui a vraiment adopté les feature flags, on parle de création de flags de dizaines par semaine en fait, même plus que ça. Et donc du coup, si à chaque fois tu dois créer un nouveau service avec une nouvelle route, ce genre de choses, tu te retrouves dans une situation un peu compliquée. Et surtout, tu peux, si on parle, je sais pas si t'as 200 feature flags activés sur ton application ou sur ta grappe, on va dire, il y a des combinaisons aussi de gens qui vont avoir peut-être 15 flags activés et 25 pas activés. Et donc, gérer ça avec des déploiements différents, ça rend forcément la chose un peu compliquée parce que tu perds cette granularité que tu pourrais avoir avec d'avoir mis ça dans ton code, en fait, directement. Tout à l'heure, tu en as parlé un peu, Thomas, mais est-ce qu'on peut aller plus dans le détail? Est-ce que ça change quelque chose dans la façon de travailler, je veux dire, un peu au quotidien d'un développeur, en fait? Là, si vraiment on se centre sur la partie développement, est-ce que ça va avoir un impact sur la façon de travailler? Moi, typiquement, à quoi je pense quand je dis ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui donc sont dans des sprints, scrum, etc., qui font leur fonctionnalité, puis après, ils ont besoin d'une review. Et en fait, cette review, des fois, elle prend des semaines. Ce qui fait que bah, ils se retrouvent en fait à avoir fait une fonctionnalité qu'ils peuvent pas dire qu'elle est finalisée parce que elle a pas encore le ticket est pas clos, la PR est pas mergée pour X ou X raisons. Est-ce que justement, il n'y a pas... un impact à ce niveau-là et peut-être même à d'autres endroits dans la façon de travailler? Moi, dans l'idée, déjà, une review qui prend des semaines, c'est toujours dommage. mais ça arrive. L'idée derrière ça, c'est justement d'organiser son équipe avec cette volonté de « mon code a été écrit, je le délivre le plus rapidement possible en production ». Encore une fois, délivrer en production ne veut pas dire nouvelle fonctionnalité accessible ou pas. Ça amène aussi beaucoup plus d'itératif. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les pull requests sont un peu plus petites parce qu'on peut pousser du code en production qui ne sera pas activé pour personne, mais au moins qui apporte une première étape. Donc, on peut faire des étapes en disant je fais un pré-MVP que je pousse jusqu'à la production. On valide ce pré-MVP, je passe sur un MVP, puis après sur la finalisation de la feature. Et tout ça, à chaque fois, c'est des déploiements qui vont jusqu'à la production, alors que souvent, aujourd'hui, c'est des choses qui vont rester au stade pré-production avec ou QA, avec des gens qui vont tester ça et qui vont dire « c'est pas encore parfait, on attend avant de le déployer ». L'idée derrière ça, c'est que comme on réduit la taille des changes, on réduit aussi la taille des pull requests, donc la taille des reviews est souvent de meilleure qualité, parce qu'il y a moins de choses à review, c'est plus petit. Le trade-off par rapport à ça, c'est que on doit maintenir deux features dans le même code. Et ça, des fois, ça peut poser problème parce que ça nécessite aussi d'avoir un code plutôt bien écrit pour éviter d'avoir un refactor à chaque fois que tu as besoin de rajouter un flag quelque part, parce que c'était pas assez modulaire, parce que on se retrouve au milieu d'un code très legacy et qu'on veut changer le comportement. Là, c'est plus compliqué. Donc souvent, si tu es dans une équipe qui écrit correctement son code, qui met plein de petites fonctions, ce genre de choses, c'est assez facile de passer d'une feature à une autre. C'est moins le cas quand tu as du code un peu spaghetti sur lequel c'est un peu plus compliqué d'amener ça. Après, c'est sûr que je pense que ça nécessite une certaine maturité ou une certaine organisation, un certain mindset dans la manière dont on travaille. Parce que même la manière dont on va structurer le code, Thomas l'a mentionné, si on commence à faire quelque chose qui est très nébuleuse et on veut mettre ça en feature flag et après on va gérer des différentes fonctionnalités avec différentes, ça devient une usine à gaz. Je pense que ça nécessite au sein des équipes déjà de se préparer à la démarche pour s'organiser et structurer son code de la bonne manière pour que ce soit un succès et non un échec, quoi. Et est-ce qu'on va apparaître justement peut-être à un moment des façons de coder, des façons de créer son code qui vont être différentes peut-être ? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles pratiques ? On va peut-être avoir un jour des frameworks qui vont être feature flag natives, on va dire, si jamais ce terme un jour existe. Alors, je pense que pour que ça arrive, il faut qu'on ait une solution type open feature qui standardise un peu tout ça, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. En vrai, les bonnes pratiques de développement se marie très bien avec la gestion des feature flags. C'est-à-dire, si on découpe correctement son code, qu'on a une bonne séparation, separation of concern des choses, ce genre de choses, ça aide beaucoup à structurer, à être efficace dans les feature flags. Si on est sur des fonctions de 200 lignes et qui font le café, ça sera compliqué. Donc, c'est là où je rejoins Eric pour, sur la partie maturité, c'est-à-dire que si c'est déjà compliqué d'écrire du code de qualité, rajouter des feature flags, ça va pas aider. Ça va même peut-être amener de la complexité et potentiellement des bugs, parce que on va devoir refactor pour pouvoir mettre en place les flags, et donc peut-être que ces refactor vont casser la production. Ouais, et après il y a un autre point, c'est on n'y pense pas, mais il y a correction de bug. J'ai un bug, quel est le process de correction du bug? Enfin, c'est ce genre de questions quelqu'un qui n'a jamais mis le pied dans ce monde peut se dire, attends, mais je fais un nouveau feature pour corriger le bug, ou qu'est-ce que je suis perdu. Ouais, est-ce que je corrige dans le nouveau, dans l'ancien? Déjà, le bug, il a réparé à quel endroit? Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions, de nouvelles questions à se poser, on va dire. Typiquement, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on travaille avec les feature flags. La première chose qu'on fait quand on a un bug qui est remonté, c'est regarder si l'utilisateur qui remonte le bug est tombé dans un flag ou pas. Et c'est bien d'avoir ce réflexe de se dire, OK, il est dans tel flag, donc potentiellement, il peut avoir, et le bug va se retrouver dans l'utilisation du flag et pas dans le reste. Et c'est là où avoir du bon monitoring, bien noter que dans quelle variation du flag l'utilisateur a pu tomber, aide beaucoup, parce que sinon on peut se retrouver à essayer de débugger pendant des jours alors qu'on était sur l'autre variant. D'où l'intérêt de l'observabilité. Exactement. C'est marrant de voir ça, mais quand des bonnes pratiques DevOps ou des bonnes pratiques sur plein d'autres concepts sur les projets modernes, en fait, on se voit très bien que si on n'a pas d'observabilité en place, ça rend les choses très compliquées, que ce soit des tests automatisés valides, que ce soit des pratiques SREs en production, que ce soit, enfin. Aujourd'hui, en fait, si on n'a pas une observabilité, aujourd'hui, on a difficile. On peut avancer, mais on avance avec énormément de lourdeur et puis on n'est pas sûr de soi, en fait. C'est surtout ça. Bon, ce qu'on voit là, c'est que les features viennent après pas mal d'améliorations et pas mal d'évolutions qui sont apparues. En fait, c'est vraiment une suite de choses dont on a besoin pour arriver à ce dernier maillon. En fait, on est un peu dans le dernière chose. Vous pensez que ça va justement apparaître vite? Est-ce que vous pensez que c'est à l'échelle, ça va être une technologie qui va exploser dans les prochaines semaines, mois ou années? À quel point vous voyez une traction par rapport à ça? Alors, par exemple, on va prendre un sujet comme OpenTelemetry. OpenTelemetry, c'est le deuxième plus gros projet chez CNCF après Kubernetes. Il y a énormément de contributeurs, énormément de repos différents. Aujourd'hui, on va dire, quand on regarde les gens, quand on est baigné dedans, on comprend le concept d'OpenTelemetry, mais ça n'arrivait pas, c'est pas, ça arrive, ça, ce n'est pas encore arrivé dans les oreilles de tout le monde. Ça reste quelque chose d'assez encore très considéré comme innovant. Après, il y a cette notion aussi de stabilité. Si on met en place un projet comme OpenFeature, il faut que les specs soient, c'est en cours de finalisation, mais que les specs soient bien finalisés, que les SDK sont bien construits, bien matures, qu'il y ait suffisamment de documentation, suffisamment d'exemples, et après il y a un vrai travail entre guillemets d'évangélisation, parce que un projet comme OpenFeature qui peut être très séduisant sur le papier, bah, il peut passer quasiment inaperçu, quoi. Et c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu la frayeur de tout projet, toute personne qui contribue dans ces projets-là, de se dire, j'ai pas envie de devenir un nouveau IPv6, c'est-à-dire on sort la technologie, puis en fait, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, je sais pas s'il y a beaucoup de serveurs qui tournent en IPv6, mais c'est un peu le drame de se dire, on a investi beaucoup de temps et d'énergie pour finalement à rien, quoi. Donc je pense que l'adoption elle passe sur l'évangélisation, sur la qualité de doc, la qualité d'exemple. Sinon je pense que ça n'arrivera pas dans la main de tout le monde, malheureusement. Et pour répondre à ta question, Guillaume, je pense que c'est déjà en train d'exploser. Sans standard, il y a des boîtes comme LaunchDarkly dont je parlais tout à l'heure qui sont très successful et font beaucoup d'argent et sont très suivies dans le monde du Future Flag, mais ça reste confidentiel dans le sens où on se lock à un vendor, et je pense que c'est de moins en moins l'envie des gens, et donc des open features qu'il apporte, c'est juste une espèce de couche d'abstraction devant les vendors, et en plus toute la partie open telemetry et toute cette standardisation. C'est vrai que c'est assez nouveau hein, comme projet, et que ça débute seulement, mais c'est assez prometteur pour les gens qui travaillent autour de tout ça, et surtout tous ces gros vendors pour le moment sont intéressés par le sujet, donc c'est plutôt bon signe pour la suite. Et justement, si on fait un focus sur donc OpenTelemetry, je sais pas si Henri, tu connais un peu sa genèse, comment c'est apparu, est-ce que c'était autour d'un bar ou n'importe quoi, et maintenant où est-ce que ça en est et où est-ce que ça va? Alors le projet en fait, c'est OpenTelemetry, c'est l'histoire, c'est le merge de deux projets existants, hein, donc c'est OpenCensus et OpenMetric, et donc du coup le il y avait deux besoins qui couvraient deux choses différentes, hein. Il y avait d'un côté il y avait les métriques et d'un côté il y avait la trace. Le projet avait bien maturé, et après il y avait une vraie volonté de se dire mais pourquoi on merge pas l'effort et on crée quelque chose de standard ensemble? Et à partir du moment où il y a eu le standard qui a été mis en œuvre, il y a eu un vrai travail, je pense, de tous les différents vendors pour arriver à mettre en place ce standard, ce qui est génial. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle où on est, donc les traces sont stabilisées, la plupart des langages disposent d'un SDK ou des agents soit manuels, soit auto-instrumentés. Et après, derrière, il y a les métriques qui viennent sortir. On va dire la spec était finalisée et la plupart des langages commencent à l'implémenter. Donc, il y a quelques langages qui sont en avance par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est mieux qu'il y a quelques années quand on avait les deux frameworks séparés. Donc déjà, c'est quelque chose de très réconfortant de dire bon, ça y est, au moins déjà, on a franchi l'étape où on est meilleur qu'avant. Et là, ce qui est excitant, c'est que maintenant les logs sont en cours d'implémentation. La spec est en train de se finaliser et l'implémentation va se faire après. Et il y a un autre sujet qui est en train de rentrer dans le scope d'OpenTelemetry. Donc jusqu'à présent, OpenTelemetry couvrait en la volonté, c'est de couvrir les traces dans un premier lieu, les métriques et après les logs. Et là, on commence à aborder le sujet qui est très excitant, c'est le continuous profiling. Donc, qui va être également un élément. Donc, se dire, tiens, j'ai une trace, et puis après, dire, tiens, c'est bizarre, j'ai un bloc qui est lent, et pourquoi c'est lent? Et donc, après, d'aller directement dans le profiling grâce au Trace ID associé, je trouve ça génial. Et encore aujourd'hui, bon, je pense que on a des organisations qui commencent à le mettre en œuvre, hein, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'organisations qui sont en mode POC, qui regardent la technologie de loin en disant, tiens, je vais peut-être utiliser, mais j'ai peur que ce soit de te confronter à des problèmes d'instabilité. Et après, il y a des organisations. Là, ce matin, j'étais avec un client qui est en Australie, Nouvelle-Zélande, et une grosse banque australienne, nouvelle-zélandaise, et eux, ils ont implémenté OpenTelemetry partout. Et donc là, on voit une question de maturité déjà, mais déjà, ils ont fait de l'investissement et la mise en place de ces genres de choses pour avoir une traçabilité complète à 360 degrés de ce qui se passe. Et donc ils ont complètement compris la valeur et ils l'ont mis en œuvre bien avant certaines autres organisations, quoi. Donc je trouve que c'est avoir cette possibilité de dire tiens, j'ai un standard d'instrumentation qui n'est pas encore attaché à un vendeur spécifique. Et de pouvoir dire, tiens, si moi je fais une partie de mon code et puis je tombe dans Salesforce, et puis après, une fois que ça rentre dans Salesforce, je suis complètement dans le noir. Mais si Salesforce fait aussi de l'open telemetry, et ça se trouve un jour, je pourrais avoir vraiment la transaction end-to-end de bout en bout et comprendre où est-ce se situe le problème. Et je trouve ça génial, en fait, pour le futur de la gestion de notre prod, nos environnements, des pratiques SREs, des ingénieurs de perf, de tout. Donc, c'est un projet comme ça. Aujourd'hui, on va dire que l'adoption, elle se fait petit à petit, il y a une grosse connaissance, une grosse popularité du projet, mais l'adoption, elle se fait vraiment encore étape par étape, quoi. Et comme, on va dire, ce qui a rendu compliqué OpenTelemetry, c'est la grand nombre de repos Git qui sont sur OpenTelemetry, le niveau très disparate de la qualité des docs et des exemples. Et donc c'est vrai que du coup l'expérience quand on rentre dedans, ça peut être géniale ou ça peut être très très très un enfer, quoi. Donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment la volonté de la communauté aujourd'hui d'améliorer tout ça pour accroître l'adoption et créer un vrai succès. Et donc, si on vient sur OpenFeature, ça veut dire qu'on essaye d'avoir la même chose? Parce que là, en fait, si je reprends la genèse un peu d'OpenTelemetry, il y avait donc deux projets assez à succès, on va dire, enfin, qui étaient quand même assez connus, qui ont mergé. Là, OpenFeature part de rien. Donc, quelle était la genèse? Où est-ce qu'on en est? Et pareil, où est-ce que ça va, là, sur OpenFeature en particulier? Ben, OpenFeature, c'était le besoin était tout ce qu'on a pu relever comme challenge, en fait, se dire c'est génial comme fonctionnalité, enfin le feature flag c'est génial, mais c'est quand même très dommage d'être très limité à des SDK ou des librairies d'un vendeur, et donc pourquoi pas mettre un standard sur le marché. Donc c'était vraiment cette volonté de dire, si on met un standard aujourd'hui que tous les éditeurs travaillent main dans la main, on va arriver à avoir un standard qui va indirectement faciliter l'adoption, même si elle est, comme Thomas l'a dit, il y a quand même un grand nombre d'utilisateurs qui sont sur la Launch Torque ou d'autres solutions, mais carrément généraliser et devenir un process quasiment standard de développement dans le futur, quoi. Et donc quand le projet a démarré, il y avait cette volonté de dire, ok, on va essayer de faire les choses sans passer par la case erreur. Enfin, au moins prendre les retours de projets qui ont démarré avec difficulté, et puis essayer d'éviter de tomber dans des trous ou des éléments qui vont nous freiner ou nous ralentir dans la création du projet. Donc ça apprendre par rapport aux échecs. Et c'est Dynatrace qui l'a lancé, ou c'est une initiative personnelle? C'est une initiative à quel niveau ça s'est fait? Alors c'est Dynatrace qui l'a lancé, donc c'est deux ingénieurs de Dynatrace, et puis après tout de suite on s'est dit il y a un standard, il faut qu'on ait des contributeurs, il faut qu'on contacte les sociétés qui sont qui gravitent autour de ce domaine pour que chacun puisse contribuer et amener sa patte et faire de ce projet qui semble sur le papier très, très sexy, mais d'en faire un vrai projet qui soit vraiment utilisé. Et donc toi, Thomas, justement, là-dessus, tu t'as dit que tu avais contribué à OpenFeatures. Toi, où est-ce que tu en es dans ta contribution et comment tu l'as connu et ce que tu peux en dire? Comment je l'ai connu, on m'a juste pingé sur Twitter à un moment et j'ai eu l'occasion de parler avec les gens de Dynatrace justement autour de tout ça. Moi, pour le moment, je me focus sur deux choses côté OpenFeature. La première, c'est de mettre en place les providers pour GoFeatureFlag. Étant donné que la façon dont fonctionne OpenFeature, c'est il y a un SDK de base et on peut implémenter des providers spécifiques à chaque vendor pour pouvoir derrière que le SDK appelle ce provider et l'amène là-dedans. Donc ça c'est la première partie, c'est plutôt pour rendre mon produit compatible. Et la deuxième, il y a une initiative qui s'appelle FlagD, qui est une solution de feature flag qui ressemble un peu à ce que moi je fais avec GoFeatureFlag, mais l'idée c'est de faire une solution simple sans vendor, complètement open source, à partir de fichiers plats de feature flag pour pouvoir expérimenter open feature sans avoir à avoir un contrat avec LaunchDarkly, avec FlagSmith ou d'autres choses de ce type-là. Aujourd'hui, c'est assez nouveau, open feature. Moi, je contribue aussi sur la partie spec pour pouvoir proposer des choses, voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut améliorer ce qui était prévu dans la SDK, ce genre de choses. Donc pour le moment, c'est une toute petite communauté. Je crois qu'il y a, je sais pas, eu moins de 100 personnes sur le Slack, mais des actifs, je pense que ça se compte en une vingtaine de personnes. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir contribuer. Mais c'est intéressant de voir vers où ça va et de voir que c'est vraiment un projet qui est drivé par la communauté. Il y a quasiment tous les SDK dans tous les langages qui sont en cours de création ou en cours de finalisation. Je sais que il y a déjà un SDK JavaScript qui existe, mais il y a un Go, un Java, un Python qui sont en cours de développement. Donc il y a un peu tout ça qui avance et qui permet de fonctionner avec Open Feature. Et moi dans l'idée à long terme pour la librairie et pour ce que je fais avec Go Feature Flag, moi je me mettrais bien dans un mode où je ne fais pas de SDK pour ma solution et je me repose uniquement sur Open Feature pour cette partie-là, dans le sens où moi ça me fait moins de maintenance, ce qui est bien vu que c'est un side project pour moi, et surtout ça le rend de fait standard sur les standards vers où le Feature Flag va en ce moment, quoi. Bah cool. Je sais pas si vous avez, on a fait déjà un grand tour du Feature Flag. Je sais pas s'il y a autre chose que vous voyez dont on aurait pu ne pas parler. Non, je voudrais juste remettre l'accent sur ce que Thomas vient de dire. Si vous trouvez que le projet est intéressant, n'hésitez pas à venir contribuer. Donc, si vous voulez chercher l'adresse, c'est openfeature.dev. Vous tapez ça, vous arrivez sur le site web de Open Feature qui est assez light en ce moment, on va dire. Mais au moins, vous aurez accès aux différentes spécifications, aux différents projets. Et puis, n'hésitez pas à venir, à contribuer. La communauté étant jeune, elle va grandir. Et puis, c'est grâce à la communauté que le projet sera un succès et qu'on pourra généraliser son utilisation un peu partout. Et toi, Thomas, tu as dit que tu avais aussi ton projet. Est-ce qu'on peut contribuer avec toi sur peut-être justement l'implémentation d'Open Feature sur ton projet? Avec plaisir. L'idée de ce projet, quand je l'ai créé, c'était de faire une première solution de Feature Flag sans avoir à contacter un vendor et commencer à faire des choses. Et il y a encore plein de sujets qu'on peut faire pour améliorer la solution. Et tous les gens sont les bienvenus pour contribuer également. Je vais aussi faire ma pub, mais gofeatureflag.org et normalement derrière il y a tous les liens vers les repos et tout ce qu'il faut pour pouvoir contribuer. Bah c'est cool. Bah j'espère que ça donnera envie à des gens et d'y passer, enfin au moins de s'intéresser, mais d'y passer pour utiliser des libs déjà existantes ou de contribuer à Open Feature. Enfin ça serait plutôt cool. Enfin je comprendrais pas que là les gens se lancent pas ou au moins essayent en mode POC comme tu l'as dit tout à l'heure Henrik pour l'open telemetry, là que des gens se mettent à faire des POC sur Open Feature et sur du flagging, quoi. Ce serait cool. Pour le coup là-dessus il y a sur le repo de Open Feature, il y a un repo qui s'appelle Playground où il y a pas mal de il y a des POC pour différents vendors et donc n'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble et à jouer avec si vous voulez. Il y a moyen de monter l'app en quelques secondes et de commencer à voir à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Alors là, pour vous dire, c'est quelque chose qui s'est organisé vraiment. On se connaissait pas trop avant le début de ce podcast. On s'est pingé sur Twitter avec des gens, des pings de reping, etc. Et nous voilà pour enregistrer. Donc, si jamais vous voulez parler d'un autre domaine, de celui-ci, si vous voulez rebondir, parce que vous avez aussi une expérience sur le Feature Flag ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me contacter pour faire ça. Et merci vraiment à tous les deux, Thomas et Henrik, pour avoir participé. Et voilà, merci à vous. Ben, merci pour nous avoir amené d'organiser et de produire ce podcast. C'est utile pour la communauté pour qu'ils découvrent des sujets comme Open Feature. Ouais, c'est super chouette. Merci beaucoup pour ce moment. Merci pour ce moment. Très bien. Et ben, à une prochaine alors. Salut.